Restez avec nous, on écoute Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Je crois que la Chine a désormais les moyens d'acheter le monde. C'est aussi simple que ça. Cette semaine, la Chine. Et de la même façon, vous avez l'invention d'un slogan par l'équipe dirigeante précédente, actuelle de Xi Jinping. Donc vous avez l'équipe de Hu Jintao, avant 2012, qui a inventé ce slogan de société socialiste d'harmonie. De Confucius au nouveau maître. C'est un certain Zhu Xi qu'on a souvent comparé à une sorte de Thomas d'Aquin chinois, enfin, qui a décidé que un certain nombre de textes courts, dont les entretiens de Confucius, entreraient dans le corpus des écritures canoniques confucéennes. Culture. 1400 morts, 10 000 blessés. Ce matin, la place Tiananmen, longtemps scène d'un drame pour la démocratie sous les yeux du monde entier, s'est réveillée, nettoyée par l'armée. Et politique. Histoire vivante, cette semaine, la Chine. Aujourd'hui, entretien avec Louise Muller, réalisatrice du documentaire « Le monde selon Xi Jinping ». Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Alors, je suis journaliste et réalisatrice depuis une quinzaine d'années et je me suis peu à peu spécialisée, entre guillemets, sur la Chine. J'ai fait plusieurs documentaires là-bas et des documentaires, on va dire, politiques qui ne sont pas, centrés sur des questions soit économiques, soit de société, soit, voilà, j'essaie dans mes enquêtes d'englober un peu toutes les thématiques, on va dire, politiques d'une société. Un quiz pour démarrer, si vous le voulez bien. Vous avez en commun quelque chose avec l'invité qui vous a précédé tout au long de la semaine. Quel est ce point commun, selon vous? Alors, en dehors de l'intérêt pour la Chine, évidemment, ce qui sera un peu trop facile. Pour la Chine. Eh bien, c'est de ne pas vous présenter par votre nom. Elle-même, Anne Cheng, a fini par dire son nom, mais après avoir parlé pendant un quart d'heure de sa vie, son œuvre et ses parents, son mari. Alors vous, Louise Muller, vous avez également abordé la chose sans vous nommer. Je pense que notre métier, avant tout, c'est d'être des passeurs, d'essayer de comprendre le monde dans lequel on vit, de prendre des informations et ensuite de les restituer, de donner des clés. En fait, ça peut paraître prétentieux, mais en fait, c'est très humble aussi. C'est de donner quelques clés aux citoyens qui nous entourent pour essayer de mieux comprendre le monde dans lequel on vit et pour se positionner en fait dans ce monde. Et c'est pour ça que mon nom n'a pas grande importance. Et l'objectif, c'est que mon travail, mes enquêtes soient le plus possible, relayées, pour faire progresser, j'espère, une certaine connaissance du monde dans lequel on vit. Alors, s'attaquer, et le mot n'est pas trop faible, je pense, à un dossier aussi volumineux, aussi complexe, aussi culturellement éloigné que les questions de politique intérieur et extérieur d'un pays comme la Chine, ça suppose s'équiper de quoi ? De patience, d'une culture qu'il faut savamment et patiemment sculpter. Comment ça s'est passé pour vous, avant qu'on parle de ce dernier opus ? Alors la patience, vous avez raison, c'est assez fondamental parce que ces sujets-là, sur la Chine en l'occurrence, ne sont pas forcément des sujets qui intéressent les téléspectateurs et donc les chaînes de télévision. Et il est vrai que il est toujours assez difficile de vendre entre guillemets ce genre de sujet, d'intéresser les chaînes. Explication, il faut beaucoup de patience pour et beaucoup d'écriture, il faut nos sujets en fait en tant que journaliste indépendant, on les écrit, ensuite on les propose à des producteurs puis qui eux les proposent à des chaînes de télévision et il n'y a pas un intérêt franc pour le sujet Chine. Mais c'est l'Asie en général ou c'est spécifiquement vous diriez la Chine ? Je pense l'Asie en général. L'Asie en général. Ouais. On les reconnaît pas. Ils se ressemblent tous. C'est un peu ça. Derrière, qui sommeille? Alors, derrière, ce qui sommeille, c'est que c'est une population qui est assez discrète, qui avait pris ce parti du profil bas. C'est très important en Chine, c'est ne jamais montrer qui on est réellement et ne jamais montrer quelle est sa réelle force. Et ça explique qu'on ne parle pas beaucoup de la Chine, que ça n'intéresse pas beaucoup, qu'on a à l'idée que la Chine est une puissance commerciale, voilà. Et ça nous suffit. On a tous cette idée de la guerre commerciale qui est très vive actuellement, mais voilà, cette image-là nous suffit. Et c'est une population très humble et très discrète. Et je peux, la raison qui m'a conduit à faire ce film, c'est que j'ai le sentiment, et en consultant évidemment les spécialistes de la chose, j'ai le sentiment que c'est en train de changer profondément avec ce nouveau leader Xi Jinping, donc depuis qui est au pouvoir depuis 2012. J'ai le sentiment que la Chine a décidé de passer à une autre étape de sa vie politique et justement d'abandonner ce profil bas et de reconnaître et de prendre toute la dimension dont elle rêve, on va dire, qu'elle a peut-être perdue. C'est ainsi que les dirigeants politiques justifient ce grand rêve de la puissance chinoise. Ce qui m'a poussé à faire ce film, c'est vraiment parmi les éléments qui m'ont poussé à faire ce film, il y a cette espèce de rupture aujourd'hui. Voilà, la Chine n'est plus profil bas. La Chine de Xi Jinping a décidé d'assumer sa puissance, son rayonnement. Elle a un rôle à jouer. Ce sentiment que vous nous livrez là, l'avez-vous confié à des spécialistes que vous avez pu rencontrer ou tenter en tout cas de voir dans les lectures ce qu'il pouvait peser? Est-ce que, d'une certaine manière, il y a eu une Chine antérieure à cette, disons, dernière décennie, pour le dire rapidement, qui était dans une des perspectives différentes? Est-ce un sentiment vraiment personnel ou vous ramassez là des avis d'experts qui, bon an mal an, partagent avec vous cette impression? Non, si je me permets de donner ce sentiment, c'est parce que justement ils vous l'ont dit. Voilà, les experts, les experts livrent cette réflexion. Transformation, mutation. Voilà, cette mutation. Ouais. Les spécialistes de la Chine qu'on a interviewés dans le documentaire sont en tout cas ceux qu'on a interviewés font ce constat. Voilà. Alors évidemment, vous leur avez forcément rétorqué, non mais un bonhomme tout seul peut pas transformer 1 milliard, et je ne sais plus combien, de toute façon, comme le chiffre change toutes les secondes, on va pas essayer de le fixer. Comment admettre l'idée, si on met de côté l'énorme rouleau propagandiste que la Chine politique est capable de fabriquer, comment arriver à imaginer qu'un bonhomme fait bouger une si vaste multitude? Alors, là, on touche vraiment à l'ADN de la Chine, on va dire, c'est-à-dire que, l'ADN de la Chine communiste. Depuis 1949, la Chine est communiste. Et elle a eu trois grands leaders, on va dire, Mao, Deng Xiaoping et aujourd'hui Xi Jinping. Les deux prédécesseurs de Xi Jinping ont été moins charismatiques, ils resteront vraisemblablement moins dans l'histoire. Ces trois leaders ont chacun cherché à faire rêver, on va dire, le peuple chinois, pour justement le maintenir derrière ses ambitions. Alors pour Mao, c'était très simple, hein, c'était le communisme. Il a voulu faire rêver les gens en leur proposant cette idéologie, le communisme, et en essayant d'asseoir le communisme. Deng, c'était le capitalisme. Deng Xiaoping a fait rêver, c'était sois riche et tais-toi. C'était on va s'enrichir, et suivez-moi, je vais vous permettre de vous enrichir. Pour Xi Jinping, c'est un peu plus compliqué parce que le communisme c'est fait, le capitalisme c'est fait, la croissance est un peu en berne Enfin, c'est un peu compliqué les chiffres chinois parce qu'ils sont toujours un peu trafiqués ou on ne sait jamais exactement. Voilà. Donc pour Xi Jinping, c'était un peu plus compliqué. Donc il a fallu, pour maintenir le parti communiste au pouvoir, puisque c'est quand même depuis qu'il est au pouvoir, il veut rester au pouvoir. Et ça, c'est d'ailleurs plus un bureau politique qui dirige un pays qu'un homme. Si le bureau politique trouve un homme charismatique, c'est tant mieux. Et c'est le cas pour Xi Jinping. Donc, pour Xi Jinping, c'était un peu plus compliqué. Il a fallu trouver un nouveau souffle. Et ce qu'il a trouvé avec ses conseillers, ses hommes de l'ombre, c'est le nationalisme. C'est faire de la Chine, c'est vendre ce rêve nationaliste, et ça s'appelle le rêve chinois. C'est une véritable idéologie, et c'est pour ça que ça fait un peu froid dans le dos à certains spécialistes, car ils considèrent que à partir du moment où c'est une idéologie qui est écrite noir sur blanc, ça peut devenir un état totalitaire. Donc voilà, comment tenir, pour répondre à la question, 1,4 milliard de citoyens et les derrière soi? Eh bien, il faut les faire rêver. Xi Jinping, il a inventé le rêve chinois. Et c'est un rêve de puissance, de grandeur, qui va redonner à la Chine, peut-être, sa grandeur impériale perdue à cause des Occidentaux. Alors, des Occidentaux, mais c'est en même temps une incroyable ironie de l'histoire, quand on sait que parmi les éléments, les briques historiques de la Chine du XXe siècle, il y a cette guerre civile, cette guerre fratricide entre communistes d'un côté et nationalistes de l'autre. Et là, on retrouve, il y a une sorte de retour du refoulé, le nationalisme chinois, mais qui lui aurait à s'exprimer différemment qu'à l'intérieur même des frontières, mais ça serait un nationalisme qui aurait peut-être comme but premier de s'exporter. Alors, l'objectif, après, en Chine, on est souvent dans des concepts, ce qu'il y a derrière, des fois c'est un peu creux, des fois ça ne l'est pas. Là, on a l'impression qu'il y a un plan qui a été écrit par le Parti communiste depuis les années 50. Le plan, et c'était celui de Mao, c'était que la Chine devienne donc la première puissance mondiale, économique et militaire, aux alentours de 2030. C'était le rêve de Mao. Ah, ils sont pas mal quand même, alors ils ont pas mal travaillé. Ils ont pas mal travaillé, or ce n'est pas possible en 2030. Les caciques du parti ont réalisé qu'il n'était pas possible de réaliser ce rêve en 2030, donc ils ont fixé une autre échéance qui est 2049. 2049, ce sera les 100 pourquoi. Ans, voilà, ouais. L'anniversaire de la création de la République communiste de Chine, puis de l'accession au pouvoir de Mao. Donc en 2049, pour les 100 ans de la Chine communiste, la Chine doit devenir la première puissance économique et militaire. Et c'est ce que doit réaliser Xi Jinping. C'est ce rêve-là de grandeur nationaliste qu'ils vont essayer d'accomplir. Après, ce rêve-là, il reste très... c'est ce qui motive le citoyen chinois. C'est ce qui va faire qu'il n'y aura pas de manifestation, de débordement, si la croissance baisse un peu, si le pouvoir d'achat baisse. Voilà, c'est ce rêve-là qui va motiver les Chinois pour rester tous unis derrière leur leader. Après, on n'oublie pas le communisme. Le nationalisme... Alors, c'est là où c'est un peu le grand écart aussi. Hein. C'est politiquement, c'est compliqué, c'est complexe. C'est pas toujours très, comment dire... Enfin, en tout cas, c'est pragmatique. On garde quand même la matrice communiste, qui est une matrice autoritaire, qui ne disparaît pas. En fait, ça se superpose, les différentes idéologies se superposent, mais ne s'annulent pas. Le communisme n'est pas mort en Chine. Le communisme reste vraiment au niveau en tout cas de la matrice autoritaire du contrôle des populations, c'est très présent et c'est pas prêt de disparaître. Et c'est même depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping une composante essentielle de son pouvoir et de l'assise justement de son pouvoir en fait. Voilà, ce côté un peu autoritaire, ce côté on doit tous penser la même chose, tout ce qui sort de l'idéologie communiste est sanctionné. Voilà, en Chine, on oublie qu'on n'a pas véritablement de liberté de pensée. On ne peut pas, il n'y a pas de pluralisme, il n'y a pas de droit véritablement de syndicat. Voilà, on est communiste avant tout. On est chinois, on est communiste. C'est le plus grand parti communiste du monde, c'est 90 millions de membres. Et mieux vaut en faire partie pour évoluer dans la société. 促进全球治理体系变革. En mars 2018, à la surprise générale, il annonce qu'il ne rendra pas le pouvoir comme prévu, mais qu'il modifie la constitution pour devenir président à vie. C'est la première fois qu'un dirigeant chinois concentre autant de pouvoir. C'est l'alliance entre un système dictatorial et la Silicon Valley. Cela constitue une menace pour la civilisation mondiale. C'est la première fois qu'un dirigeant chinois use avec autant de force de la culture du secret. Xi Jinping est le produit d'une énorme propagande orchestrée par le parti. Jamais la Chine n'a été aussi puissante et ambitieuse. Jamais la Chine n'avait autant bouleversé l'équilibre mondial. Qui est Xi Jinping ? D'où vient-il ? Et quel monde nous prépare-t-il ? Derrière un discours gagnant-gagnant, où chaque partenaire est censé trouver son compte, Xi Jinping développe un double discours et un modèle de société que le reste du monde commence à peine à décrypter. Un extrait du Monde selon Xi Jinping, le prochain documentaire d'Histoire vivante à découvrir dimanche soir sur RTS2. Suite de l'entretien avec Louise Muller, réalisatrice du documentaire Le Monde selon Xi Jinping. Louise Muller, on est en train d'évoquer votre nouveau documentaire. D'ailleurs, vous allez nous en donner le titre, s'il vous plaît. Le Monde selon Xi Jinping. On va donc rester encore un moment autour de Xi Jinping, sans trop dévoiler de ce documentaire qu'on découvrira dimanche soir sur RTS2. C'est vrai que vous amenez un certain nombre d'arguments qui mettent en valeur la trajectoire du personnage, des éléments qui sont reliés à sa vie personnelle, voire à sa vie intime, qui ont indéniablement, sans faire du psychologisme de bas étage, construit la tête, les réflexes, l'action du timonier actuel. Alors, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous tracer un petit peu, nous esquisser ce qu'a été son parcours ? Alors, Xi Jinping est d'abord un prince rouge. En Chine, on parle de prince rouge pour les fils de cadres dirigeants des créateurs de la République populaire de Chine. Xi Jinping donc est le fils d'un proche de Mao, qui était au pouvoir, très haut au pouvoir, qui était du côté de l'intérieur. Enfin, donc c'est un enfant qui a grandi. On peut pas dire dans les fastes du pouvoir, mais au sein de la cité impériale, qui a grandi avec une certaine idée justement de la Chine, de ceux qui devaient diriger la Chine. Il a grandi avec l'idée peut-être qu'il deviendrait à son tour lui aussi un des dirigeants de la Chine. Donc ça, c'est une première chose et c'est assez important. Un jour, tout s'est écroulé au moment où Mao a commencé à devenir un peu paranoïaque et à orchestrer une véritable purge au sein de ses proches collaborateurs. Et le père de Xi Jinping en a fait partie, c'est-à-dire qu'il a été purgé d'une façon assez violente. Et Xi Jinping, à l'âge de 9 ans, a assisté à la descente aux enfers de son père et de sa famille. À cette époque, si on était considéré comme contre-révolutionnaire, on était exhibé avec une pancarte autour du cou devant des foules qui criaient au lynchage. Il ne se faisait pas lyncher, mais c'était très violent. Quand on avait la chance d'être encore en vie. Quand on avait la chance d'être encore en vie. Donc son père a vécu ça, lui a vécu ça, sa famille a vécu ça. Et puis, quelques années après, il a vécu un second traumatisme qui est la révolution culturelle. Alors, c'est assez ambigu, ambivalent, parce que Xi Jinping était tellement terrorisé par cette purge que subissait son père, hein, il est même allé en prison, enfin, voilà, par cette descente aux enfers, qu'il était quelque part content. Selon certains spécialistes, après... Lui le dit, de partir. Content de partir à la campagne. Exactement. Ouais, content de partir à la campagne. Oui, mais ça, c'est lui qui le dit. Alors, il le dit dans certaines interviews. C'est quoi, c'est du révisionnisme sur soi-même ou... Alors, c'est qu'on ne peut pas critiquer. C'est pas possible. C'est une grande composante aussi de la Chine actuelle, c'est qu'il n'est pas possible de remettre en cause l'héritage de ses prédécesseurs. Donc, on est obligé d'adopter un principe de compréhension qui est « il dit que ». Ça ne veut pas dire que c'est ça, mais il dit que. Voilà, c'est cette version. Il dit que, et les spécialistes, certains spécialistes pensent que, effectivement, au départ, il a trouvé un échappatoire dans cette fuite, parce que des milliers de jeunes instruits, hein, comme on les appelait, qui avaient eu le malheur, enfin, pour en tout cas la Chine communiste, de passer par l'école et de trop s'être instruits, la Chine communiste, Mao a décidé de les envoyer à la campagne pour les. À des milliers de kilomètres. Voilà, à des milliers de kilomètres de leur famille. Et pour lui, au départ, c'est un soulagement, selon certains spécialistes, et un soulagement qui va se transformer en cauchemar parce que l'étiquette de traître de son père va le poursuivre. Donc il est considéré comme les classes noires. Enfin, voilà, il n'est pas le bienvenu. C'est les pestiférés. Les pestiférés, noires, ouais. Exactement. Ouais. Ils sont un peu considérés comme des esclaves. On leur donne toutes les tâches les plus basses. Voilà. Donc c'est très dur parce que lui vient d'une société favorisée. Enfin, d'un milieu favorisé, et là, c'est vraiment une plongée dans l'enfer des classes populaires les plus rustres. Donc, précisément, Louise Müller, là, je me suis vraiment interrogé, parce que vous connaissez sans doute l'éloge de la fuite, titre fameux d'un non moins fameux ouvrage d'Henri Laborie, le professeur Henri Laborie, qui recommandait aux individus qui pouvaient être, subir des mobbing de toutes sortes, l'évasion plutôt que la somatisation. Or, Xi Jinping, lui, il fait exactement le contraire. Il avait entièrement de quoi être absolument traumatisé. Il aurait pu choisir la fuite, l'exil, creuser un tunnel pour ressortir au Japon ou en Inde. Et au contraire, il retourne à l'intérieur de la pyramide et il choisit de se mettre au boulot pour en devenir progressivement... après sans doute pas mal d'années d'efforts, le number one. Oui, c'est ça. Alors, ça dit quelque chose du caractère, quand même. Alors, ça dit quelque chose d'un caractère. Mais quoi, mais quoi? Honnêtement, c'est tant qu'on n'a pas l'interview de l'homme. Et quand bien même, si on l'avait. Même si on l'avait, peut-être qu'il serait impénétrable, effectivement. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, pour certains spécialistes, que ça pourrait être une sorte de syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'il a vu son père être vraiment réduit à néant, humilié, et il a décidé de prendre, justement, de ne pas prendre cette voie-là, et de choisir la voie de l'agresseur, et de se ranger du côté des maoïstes, et de ceux qui... des forts, on va dire, de ceux qui avaient le pouvoir, et de ceux qui avaient le pouvoir et qui piétinaient les autres, on va dire. Donc, il n'a pas pris son père pour modèle, mais c'est Mao qui est devenu son modèle. Donc, ça pourrait être un syndrome de Stockholm, certains... Ou dit autrement, l'honneur et la face de soi étant importante, si cet honneur a été perdu, si l'honneur de son père lui-même l'a perdu, pour le fils, c'est insupportable. Alors oui, c'est insupportable, au point de peut-être prendre la revanche aussi, hein, la revanche pour sa famille, la revanche et sa propre revanche dans cette accession au pouvoir. Et puis, oui, c'est la revanche d'un homme. C'est vrai que son accession au pouvoir, c'est vraiment la revanche d'un homme sur son histoire. C'est peut-être aussi, certains le pensent, une revanche pour le père. C'est redorer le blason de sa famille. Lui, son père n'a pas réussi. Ceci dit, il est revenu au pouvoir une fois que Mao est parti. Son père a été réhabilité par Deng Xiaoping. Donc, il a eu une certaine forme de réhabilitation. Il y a eu un purgatoire. Ouais. Voilà. Mm-hmm. Mais c'est pour ça que c'est assez complexe. C'est que, à la fois, il est épouse totalement le maoïsme à ses débuts, hein, enfin en tout cas lors de la révolution culturelle, et à la fois il reste quand même très proche de son père, hein, qui lui était considéré comme un réformateur, un modéré, hein, et c'est tout ce que lui ne va pas devenir. quand elle arrive au pouvoir, on le prend pour ce réformateur, ce modéré. On espère une ouverture vers la démocratie. Beaucoup l'ont espéré, beaucoup de spécialistes. Et ce fut une vraie douche froide parce que finalement, il est devenu plus rouge que rouge. Justement, aidez-nous à comprendre, ça sera la dernière partie de ces entretiens aujourd'hui, Louise Müller. Essayez de nous donner à comprendre ce que c'est que, à l'interne, cette ligne de fracture d'évidence dans le parti qui opposerait les réformateurs d'un côté et puis les purs et durs, les robespierristes, si j'ose dire, de l'autre. Est-ce que c'est une ligne de fracture visible ? Comment elle est étudiée ? Comment elle se traduit ? Est-ce qu'on est dans du 50-50 ? Est-ce qu'on en a une image ? Ou est-ce que c'est de l'autre côté des murs, totalement étanche, totalement invisible, totalement inapprochable, alors que sans doute c'est quand même un peu le cœur de la chaudière ? Alors, disons qu'on peut en avoir une image lors de grands événements qui poussent des hommes politiques à se positionner. Je vais prendre l'exemple de Tiananmen, des événements de Tiananmen. C'est là où justement le père de Xi Jinping a dû se positionner et s'est positionné du côté des réformateurs qui ne voulaient pas de répression sanglante sur la place Tiananmen, des étudiants qui demandaient un peu plus de droits, etc. Donc là, on a vu la ligne de fracture, clairement. D'un côté, les réformateurs, de l'autre, les conservateurs, on va dire. Après, très honnêtement, je pense que... Mais ça serait l'une des dernières fois qu'elle se serait manifestée de manière aussi flagrante ? Difficile à dire. Ouais. Là, il faudrait voir avec des spécialistes des différents clans au pouvoir actuellement. C'est à la fois très secret... Ce qui se passe actuellement vraiment au sommet du pouvoir et en même temps c'est très très changeant, c'est-à-dire que des très proches de Xi Jinping qui l'ont aidé au début à asseoir son pouvoir peuvent se retrouver du jour au lendemain sur le banc de touche. Peut-être parce qu'ils deviennent trop puissants, parce qu'ils ont commis une petite erreur. On ne sait pas vraiment véritablement qui dirige la Chine, avec on ne sait pas véritablement qui va rester dans le top 5 des proches de Xi Jinping dans les années à venir. Ça change très très rapidement. Mais dans le domaine de la poule et l'œuf, est-ce le parti ou est-ce le chef ou est-ce un mouvement cyclique qui fabrique, construit, impose la ligne éditoriale ? Quand je vous entends là, je vous entends dire c'est quand même le parti qui choisit celui, pas celle hein, apparemment, qui va l'incarner. Donc c'est quand même le parti qui est au-dessus du leader et le leader qui modèle son parti à ses besoins. Alors c'est ce que disent les spécialistes aujourd'hui, enfin en tout cas moi ceux que j'ai interviewés, ceux qu'on a interviewés, c'est leur... ils pensent que Xi Jinping a été choisi justement parce qu'il avait le profil convenant à la situation, c'est-à-dire un homme à la fois rassurant au niveau international, bonhomme, sympathique, charismatique. Charmante épouse, pareil, une première dame, c'est la première fois quand même que la Chine met sur le devant une première dame, c'est pas rien, donc c'est vraiment un couple sympathique à l'international. Oh, la femme de Mao, enfin les épouses de Mao, oui, certaines ont joué un rôle, non des moines, pendant la révolution culturelle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et dans tous les cas, c'est un homme qui répondait aux ambitions de la Chine pour les années à venir. On va se retrouver demain, parce qu'avec vous, évidemment, Louise Müller, le temps passe à une vitesse incroyable, mais on aura encore plein de questions à vous poser. On va en parler d'ailleurs, parce que demain, il sera question, entre autres, de ce gros atout dans la Manche qu'est la route de la soie. On en parlera. On parlera également de... Moi, j'ai un mot que je vous proposerai par rapport à cette bipolarité évidente qui s'annonce sur le plan stratégique. En attendant, eh bien, merci encore de votre première visite et à demain. Demain, vendredi, Histoire vivante est à lire dans La Liberté. Durant 7 décennies, un professeur de littérature française d'origine jurassienne et un juriste chinois engagé dans la destinée politique de son pays ont partagé leur passion pour la Chine. Leurs échanges épistolaires livrent un éclairage d'exception sur l'histoire chinoise du XXe siècle. Regard croisé sur la Chine, un dossier à découvrir ce vendredi dans La Liberté. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première et il est 14h.